Incognito. Je vois déjà de 14 ans au poids de ces chocos. Je serai pour leur expliquer que déjà deux fois, il n'y a pas assez compliqué pour y arriver. Il faut juste forcer. Il faut juste forcer. Jamais lâcher les rêves qui nous endurent. Arrivé au bout du fil, ça tient une fierté. Pendant le repas de femme, on se retrouve solo dans l'ombre. Écrire des textes sur son avenir. Aujourd'hui, je claque le CV sur la table. Construire ta vie, passer de l'autre navire. Sans elle, on vient calvaire. À nos yeux, c'est une reine. À la livrée des princes et des princesses. Ouvrons nos parapluies et nos lettres. Et va dire à ta mère que tu l'aimes. Je verse de trois larmes sur la lame. Nouvelle génération, les jeunes perdus. L'amour est devenu n'importe quoi. Ils pensent qu'à faire du mal aux femmes. Je veux vraiment être désolé, mais c'est pour qu'ils comprennent que cette génération va s'éteindre dans pas quelques années. Le temps s'écoule, au bout du chemin se tient ce foutu lapin. On va jamais l'arrêter. Seul dans l'ombre, on pense plus au destin, juste aux copains. Mauvaise influence sur nos plus jeunes, les grands ont pas honte de leurs actes. Papa, maman, plus présents depuis gamin. On tient nos mots, nos promesses dans le creux de nos mains enfantins. Des rêves qui nous restent lointains, on pense plus au lendemain. La santé mentale s'absente, comment on court tous les quatre matins. Certains jeunes ont des problèmes physiques, quand certains les critiquent sur les cicatrices que tu as laissées pourrir. Au fond de toi, t'as préféré dire et garder ton petit sourire. Ton petit sourire. Je joue pas du piano, je suis plus du style à rater sur la mélo. Au bout du chemin, ça tient ce foutu lapin, horloge à la main. Je joue pas du piano, je suis plus du style à rater sur la mélo. Au bout du chemin, ça tient ce foutu lapin, horloge à la main. Et oui, les jeunes, c'est tes conseils, mais je rappelle qu'ils comprennent. Si j'arrive, pourquoi pas toi? Mon grand, change pas de chemin, c'est ton choix.